Salut les amis. Salut Charline. Il y a des beaux sujets aujourd'hui. Oui, il y a Xavier Bertrand. Il y a Robert Ménard à Béziers avec sa garde républicaine. C'est bien aussi. On peut pas parler de Star Wars. Non, tout le monde en parle. C'est sûr qu'il y a moins de gens qui parlent de Xavier Bertrand. Salut les jeunes. Mais c'est qui? C'est le spécialiste politique de France Inter, Thomas Legrand. Putain, d'accord. Qu'est-ce qui t'amène, Thomas? Alors je voulais vous dire, tu prends pas mal. Je voulais vous dire que parfois, tu ne prends pas mal. Non. Bien parfois, votre émission, elle manque de contenu. Quoi? Ouais, mais Thomas a pas entièrement tort. Ouais, c'est la faute de Charline. Elle bâcle les sujets. De quoi vous allez parler aujourd'hui? De Xavier Bertrand. Né en 65 à Châlons, ministre de la Santé sous Villepin, ministre du Travail sous Fillon, maire de Saint-Quentin, secrétaire général de l'UMP de 2008 à 2010. Si vous voulez, je vous donne les mensurations de sa mère. Non mais comment tu sais tout ça, toi, déjà? Bah, c'est le contenu, hein, ça se bosse. C'est quoi votre deuxième sujet? Robert Ménard. Ah, tu sais pas ça. En 1953, politiquement PS de 79 à 81, il est passé par la LCR de 73 à 78 ou 79. Ah, 79, bien sûr, c'était l'année du G7 à Tokyo. Les gars, ça doit être votre leitmotiv, hein. Leitmotiv de l'émission, du contenu. Mais c'est ça. J'espère vous avoir boosté. Déprimé là. Non mais je crois en vous, c'est pour ça que je vous le dis. Allez, je vous quitte, je vais déjeuner avec Valérie. Ah oui, la fille de la compta. Non, Valérie Giscard d'Estaing. Salut Thomas. Il est fort le gars. Non mais pour qui il se prend déjà? C'est vrai, hein, ça suffit, notre émission c'est aussi le droit d'inviter Clara Morgan. Clara Morgan, née en 1981 à Marseille, elle tourne son premier film en 2001 pour arrêter sa carrière en 2002. Non mais il sait tout quoi. Et sur ce coup-là, je te confirme qu'il a raison. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui fait l'actualité buissonnière et voici les trois informations qui vont prendre le maquis jusqu'à 18h. Xavier Bertrand est devenu un modèle politique. Élu président de région, il a renoncé à tous ses autres mandats. Il a renoncé à son ambition pour 2017. Sarkozy l'avait traité de médiocre, mais déjà sa conseillère d'orientation au collège, à Xavier Bertrand, elle avait déclenché chez lui une forme de prise de conscience. Les profs, ils mettent jamais « peut mieux faire » ou « capacité à exploiter ». Ils mettent toujours « élève moyen ». Le monde est de plus en plus dur, hein. Il y aura de moins en moins de place pour les gens moyens. La garde bitéroise est en place. Le conseil municipal de Béziers a adopté la mise en place d'une sorte de milice de retraités de l'armée ou de la maréchaussée. Et ils sont motivés, les vieux. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Bonne chance. Partagez votre amour de Paris sur les réseaux sociaux. Mais quelle bonne idée. D'où vient-elle? Du groupe Barrière ou du Club Med, notamment. Bon, bref, des gros bonnets du tourisme. Parce qu'en réalité... Le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal. Et moi, je suis accompagnée de celui qui est en terrasse. Oui, mais au flore. Oui, mais avec un moule frite. C'est Alex Vizorek. C'est vrai, c'est moi. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, je vous ai apporté une belle équipe de chroniqueurs pleins de testostérone. À 17h20, on va commencer l'échauffement avec le sportif de l'équipe. Et un sportif dont la plume court plus sur le papier que ses baskets sur le bitume. Le Zatopek de la chronique, Samir Bouadi. Bonjour. Ça, c'est clair. Bonjour, Alex. Bonjour, Charline. Moi, je vais vous parler un petit peu de Marguerite Duras, très, très grand numéro 10 des années 50. C'est un raccourci, mais vous nous expliquerez tout à l'heure. Voilà. À 17h30, celui qui irradie notre émission de son talent. Et irradier... Irradier la maison de la radio qui avait été construite en amiante, c'est pas facile. Guillaume Meurice, mon lancement n'était pas fait par hasard. Non, quel professionnel, Alex. Bonjour, Charline. Eh bien, je me suis rendu au grand rassemblement des professionnels de l'amiante. Et oui, l'amiante qui est une aubaine pour eux. C'est le cas de dire, c'est une richesse. Eh oui, une richesse. Pour les cancérologues aussi. Et à 17h40, l'homme dont les jingles interprétés live sont aussi attendus que ses chroniques, alors qu'il chante beaucoup moins bien qu'il n'est pertinent en actualisique. C'est difficile ça. Merci. Bonjour Thomas VDV. Bonjour Alex. De quoi on va parler? Alors je ne sais pas comment m'est venue cette idée, mais on va parler de l'événement électoral du week-end dernier, mais par le biais de personnages d'un film qui sort aujourd'hui. Ah oui, ça c'est évidemment. Allez, si tu écoutes, j'annule tout. Et présent dans un monde virtuel, sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, où vous pouvez devenir notre ami imaginaire. Ou voir des photos de Guillaume Meurice qui étrangle Frédéric Fromet dans le bureau. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Vincent Auriol. Vous décrochez votre premier rôle dans Romuald et Juliette de Colin Serrault en 89. C'est l'année du bicentenaire de la Révolution. Vous jouez dans Huit femmes de François Ozon en 2002. C'est l'année où Yves Saint-Laurent prend sa retraite. Et vous êtes élu conseiller conseillère de Paris lors des municipales de 2008 quand Marion Cotillard reçoit un Oscar pour La Môme. Et vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Je suis Firmin Richard. Oh, oui, bienvenue. Bravo, balèze. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. Quel est le faillot qui a dit bravo? Samir Bouadi. Non, c'est Thomas. Non, mais on est tous contents. Oui, on est ravis de vous accueillir, Firmin Richard. Alors, vous avez beaucoup d'actualités parce que vous êtes notamment à l'affiche d'un film bientôt qui s'appelle Le Grand Partage avec une très belle distribution. Il y a Karine Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton. C'est un film d'Alexandre Leclerc. Après, il y a aussi même Dieu merci, c'est ça, au printemps. Lucien Jean-Baptiste. Le troisième film de Lucien Jean-Baptiste. Et plus proche de nous, on va pouvoir vous voir dans un téléfilm qui s'appelle le Family Show. Mmh. Un téléfilm qui sera diffusé le samedi 19 décembre à 15h35. Horreur. Je déplore cette heure. Mais oui, mais alors 15h. 15h35, Iwaki. C'est excellent. 15h35. La ménagère de 50 ans. Mais c'est les vacances, les enfants ne seront pas voir. Mais c'est juste le départ. Le départ des vacances, ça commencera juste la veille, c'est ça? Donc, il n'y aura pas peut-être grand monde. Donc, en fait, vous plaignez à la chaîne, on va le dire. Oui. Pourquoi on met Firmin Richard à 15h35? 15h30, voilà. samedi 19, oui, je vous préférerais. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas de réponse? Vous posez la question à la chaîne directement? Je ne l'ai pas encore posé, mais je pense que la production a dû. N'avait pas le choix. De toute façon, nous n'avions pas le choix parce que ça fait plus de deux ans que le film est fait. Alors encore heureux que nous soyons diffusés. Après, on peut toujours le rattraper. Si vous êtes dans la voiture ce jour-là, le samedi 19 décembre, c'est France 2, vous pouvez toujours le rattraper sur le site Plus. La VOD, c'est l'avenir. Je ne connais pas ça, moi. Je peux vous dire que pendant 7 jours, vous pouvez revoir le téléfilm gratuitement sur Internet, sur le site Plus. Ah oui, il y a Patrick Sébastien le soir. Vous ne savez pas faire des claquettes, par exemple. Jongler comme une otarie, vous ne savez pas faire ça. Un téléfilm notamment avec Jackie Berroyer ou Daniel Evenoux. Alors, pour raconter un petit peu le début, oui, allez-y, Firmin Richard. Il y a surtout Danse avec les stars. Oui, vous donnez le programme de la conférence. Oui, non, mais tranquille. Vous êtes vraiment sympa. Tout le monde ne le fait pas. Si vous n'avez pas l'occasion de le voir, on vous le raconte en deux mots. L'attaché de presse qui se suicide dans les coulisses. Il avait fait une belle carrière jusque-là. Bah, du coup, comme personne ne va le voir, on va raconter la fin aussi. On va vous raconter l'histoire. Comme ça, vous pouvez partir en vacances peinard. On peut rigoler, c'est une comédie. Alors il y a deux familles. Il y a une famille française, on va dire métropolitaine. Une famille blanche, une famille noire. Ouais, voilà, allons-y. Antillaise. C'est plus simple, parce que c'est bien cela, effectivement. Mais oui. Il s'agit de deux familles, effectivement, qui. Et vous, vous jouez dans quelle famille, du coup? Parce que c'est un rôle de composition. Donc je suis une grand-mère, effectivement, dans ma famille, avec qui est composée de ma fille, son mari et deux enfants. Et une urne, et... parce que vous perdez votre mari, vous baladez avec l'urne. Voilà. Je viens justement, quand on me voit arriver, on sort des funérailles de mon mari et je reviens avec l'urne, donc la famille est réunie, quoi. On peut même dire que vous vous baladez avec dans Mais un cabas. Oui, je ne laisse pas partir mon mari comme cela. Mon mari, je garde ses cendres avec moi et je le promène partout, quoi. Et je l'engueule aussi de temps en temps. Et donc, comme il y a une famille blanche qui est voisine d'une famille noire, mais noire, hein. ça joue évidemment sur les contrastes, d'autant plus qu'au moment où vous enterrez votre mari, Je ne l'enterre pas. Oui, c'est vrai. Vous le mettez dans une urne. L'incinéré. Dans l'autre famille, c'est la fille qui, enfin, le couple qui se marie. Donc, on joue sur tous les contrastes. Donc, forcément sur les clichés. Alors, quel cliché antillais vous avez développé, vous, dans votre personnage, et puis dans la famille en général? Je pense notamment à la scène où le mort est de sa belle mort dans son cercueil au milieu du salon, et où il se raconte une histoire. Il y a quelqu'un que qui raconte sa vie. Chez nous, effectivement, quand il y a un mort, enfin, il y a une veillée. Généralement, il y a la veillée du mort la veille de l'enterrement, enfin, la veille des funérailles. Et donc, les gens viennent raconter un peu la vie de cette personne, ce qu'elle a été. Alors, il faut dire qu'une veillée, c'est festif. Il y a des conteurs, donc, et puis on boit du rhum, on mange, il y a la soupe qui est préparée. C'est vraiment une tradition. En fait. Oui, en fait, ils ont l'air de plus s'éclater que ceux qui se marient. Non, mais je dirais pas les pleureuses, il y a ceux qui prient à l'intérieur, et tout autour, il y a des gens qui viennent faire la veillée, donc ce sont des conteurs, on joue du quart, on raconte des histoires, et on raconte aussi la vie du défunt. Oui, et puis il y a les deuxièmes, troisième et quatrième bureau du mari. Alors, qu'est-ce que ça veut dire deuxième bureau? Comme ça se passe aux Antilles, effectivement, comme nous hommes sont très coureurs, ils ont beaucoup de maisons. Alors, ils appellent, ils ont beaucoup de maîtresses. Ouais. Ils peuvent avoir deux, trois maîtresses. Ça, c'est vraiment typique des Antilles, ça, plutôt. Je parle de ce que je connais. Je sais que c'est moi aux Antilles. Effectivement, il y en a beaucoup. Les hommes sont coureurs et ils ont. Ici, effectivement, ça se fait différemment. Oui, c'est plus discret. Mais chez nous, voilà. Mais, je dis, ça existe chez nous. On les appelle les bureaux. Premier, deuxième bureau. Oui, comme en Afrique. Chaque maison, voilà. Ouais. Beaucoup d'emplois, en fait, pour finir. Malgré ce qu'on croit. Et en plus, elles viennent à la veillée funèbre. Et elles picolent le Ils viennent pleurer leur mort. Elles viennent pleurer leur mort aussi, ces femmes. Mais évidemment. Donc, elles ont le droit de venir pleurer le mort, mais pas boire le champagne de la légitime. Quoi. Limite à la décence quand même. franchement. Ça s'appelle le Family Show. C'est un téléfilm de Pascal Lamani qui sera diffusé donc samedi 19 décembre à 15h35 sur France 2. Peut-être mettre les enfants devant sur la banquette arrière pour aller en vacances, on ne sait jamais. Ça va peut-être les calmer. On est en compagnie de Firmin Richard et on est ravis. Jusqu'à 18h avec elle, on va parler un petit peu d'actualité. Oh, on va parler d'un sujet glamour, Xavier Bertrand. Oh, c'est glam sur France Inter. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, cause they hate the places you play and where you stay. Looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. D'accord. The Message, c'est Grandmaster Flash sur France Inter, programmation musicale de Djoubaka. C'est Firmin Richard qui est avec nous aujourd'hui jusqu'à 18h, qu'on pourra voir dans le Family Show, un téléfilm qui sera diffusé sur France 2 samedi 19 décembre à 15h35, pétante. Et puisqu'il est 17h21, on a dépassé de quelques minutes 17h17. Et on va pas dire que j'ai trois bureaux pour Firmin Richard autour de la table. J'ai Guillaume Meurice, j'ai Samir Bouadi et j'ai Thomas VDB. Alors là, évidemment. Et donc c'est le journal de 17h21, bien sûr. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, ce matin, Marine Le Pen a publié des photos de décapitation sur Twitter. Elle a perdu la tête, elle aussi. Thomas Fabius, à nouveau dans le viseur de la justice pour faux, blanchiment d'argent et escroquerie. Laurent Fabius, surfant sur l'hystérie Star Wars, aurait réagi en affirmant « Je ne suis pas ton père ». Et il y aura les brèves, mais c'est vraiment pas pour vous ennuyer, Charline. C'est parce que l'info l'exige. Et on commence par cette pulsion matinale de Marine Le Pen. Et oui, remontée contre Jean-Jacques Bourdin, qui aurait établi un lien indirect entre le FN et Daesh, Marine Le Pen a publié sur son compte Twitter des photos d'exécution et de décapitation perpétrées par Daesh. Voilà, du côté de Daesh, ils ont également écouté Jean-Jacques Bourdin et ils n'ont également pas apprécié l'amalgame avec le FN. En revanche, pour ne pas choquer les gens, Daesh aurait refusé de tweeter des déclarations de Marine Le Pen. Passons à Thomas Fabius. Oui, Thomas Fabius, mis en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi, après la perquisition de son appartement de 300 mètres carrés, boulevard Saint-Germain. Ouais, quand on a un appartement de 300 mètres carrés, la garde à vue, ça vous rappelle un peu la dernière fois que vous êtes resté coincé aux toilettes. C'est pas faux, Thomas Fabius, qui est sorti, hein, rassurez-vous, je vous sentais inquiète, Firmine. Il est sorti hier soir, il est sorti libre. Ah, alors, oui. Rappelons qu'il est encore visé par un mandat d'arrêt délivré aux États-Unis. Il est accusé d'avoir rédigé des chèques en bois d'un montant total de 3,5 millions de dollars. Ouais, c'est pas bien, son papa va pas être content. Hein. Clairement, Laurent Fabius ne cautionnera pas cette fraude. Ah non, c'est pas la fraude. C'est le gaspillage. Après la COP21, Fabius ne supportera pas que son fils utilise autant de bois pour faire des chèques. Emploi à présent, Gérard Longuet chez Les Républicains. Il s'insurge à propos de la motivation à travailler des Français. Et oui, il a déclaré ce matin sur Public Sénat. Nous avons des Français qui ont des poils dans la main, il faut le savoir. Il faut le savoir, Gérard. Et oui, il y a des Français qui ont des poils dans la main et il y a aussi des Français qui ont des casseroles au cul. Passons au Conseil de Paris. Oui, au Conseil de Paris que Firmin Richard connaît bien, où Claude Coesgen a pris la parole, mais il a été perturbé par son collègue communiste Yann Brossa. Il parlait, il n'était pas attentif. Coesgen n'a pas apprécié, il lui a donné un petit surnom. Alors écoutez le calme d'Anne Hidalgo pour régler tout ça. Le droit, c'est important, vous savez. C'est intéressant d'y écouter, cher ami, au lieu de faire des réflexions dans votre barbe naissante. Non, bien. Vous voulez qu'on vous écoute, c'est bien. Écoutez eh oui, tous. Mais j'écoute le camarade Joseph. Monsieur Goazien. J'adore le camarade Joseph. Et qu'on entende les mouches voler. Mais et j'adore sa voix le camarade Joseph. Mélodieuse en ce début d'après-midi. Monsieur Goazien. Et rien que Monsieur Goazien. Voilà, donc le type s'appelle Yann Brossard, donc camarade Joseph. Mais pourquoi peut-être, un hommage à quelqu'un d'important du parti. Enfin, bon, écoutez la suite. Vous considérez les Staliniens comme des héros. Il paraît qu'avec l'expérience, on prend un peu de sagesse. Et vous donnez des leçons. J'ai l'impression vous donnez des leçons d'humanisme. Que ça n'est pas votre cas. Demandez au camarade Joseph de se taire. Ce n'est pas votre cas. Sans compter que Joseph est un très joli prénom. Merci Anne Hidalgo et cet argument fort. Joseph est un très joli prénom. Staline est vachement dans l'actu en ce moment. Hein. Il revient fort. Hein. C'est bien que Anne Hidalgo boive une petite tisane avant le Conseil de Paris. Parce qu'elle a l'air bien foutrée. D'une assemblée à l'autre. Oui, passons à l'Assemblée nationale. Oui, reconduit mardi dans ses fonctions de président de l'Assemblée, Claude Bartolone était absent car souffrant. Mais le soir même, il a tout de même assisté à un petit verre de l'amitié. Mais oui, donc après avoir dénoncé Valérie Pécresse comme la candidate qui défend la race blanche, Claude Bartolone s'est mis une race au rouge. Et on termine par une brève internationale. Ah oui, une brève suivie d'un jeu de mots de Frédéric Fromet. Attention. Non, je crains le pire. Oui, là, vous non, pouvez. Non, là, là, là, là. Dans une ville de Sibérie, selon un sondage, c'est un chat qui est donné largement vainqueur pour diriger la mairie. Notez qu'en France, s'il se présenterait, on pourrait certainement voter pour Bernard Minet. Bam! Super! Firmin Richard, donc... On l'embrasse parce qu'il m'a fait courir. Vous avez siégé au Conseil de Paris. Tout c'est à pour fait. Ça qu'on faisait allusion. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'aime. Ah oui, non, mais il faut voir, ce sont des joutes verbales, c'est extraordinaire. C'est qui ce communiste là qui n'écoute pas Claude Goesgen? C'est Yann Brossa, voilà. Qui est un jeune très, très pertinent. J'aimais bien ses interventions. Effectivement, il est maintenant adjoint chargé du logement. Et c'est un jeune que j'aime bien. Ouais. Et c'est vrai que toutes ses interventions, généralement, sont très. Donc c'est Patrice, le conseiller de Paris, et vous êtes conseillère d'arrondissement à Paris. Oui, dans je ne suis plus conseillère de Paris, je suis seulement conseillère, enfin seulement, je suis conseillère d'arrondissement dans le 19e. Dans le 19e, hein, et voilà. Et justement, premier sujet avec vous, politique, les députés l'appelaient floc-floc. Pour le bruit de... C'est Xavier Bertrand, vous allez voir. Pour le bruit de ces méphistos sur le sol en marbre de l'Assemblée nationale, Xavier Bertrand. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous le raconte aujourd'hui. Oui, Xavier Bertrand était considéré comme le bouffe de la politique. Et c'est écrit, oui, il devient maintenant un modèle, hein, une icône, une autorité républicaine, spirituelle... Lorsque vous êtes en présence de sa sainteté, vous devez rester debout, devant lui, courbé, en signe d'obéissance, les mains jointes, en imploration. Si vous êtes assis, vous devez toujours vous trouver à un niveau inférieur à lui. On ne le regarde jamais dans les yeux. On ne lui tourne jamais le dos. Et enfin, dernière chose, on ne le touche jamais. Il est la réincarnation de Avalokiteshvara. Voici comment on l'a nommé. Jujun Jambeng Na Wang Lo Sang Ishi, Tenzin Gyatso. Seigneur très saint, sa tendre gloire, l'éloquent, le compatissant, le docte, le défenseur de la foi, l'océan de sagesse. Xavier Bertrand est au-dessus de tout ça maintenant. Il lévite au-dessus de la classe politique. C'est un extrait de 7 ans au Tibet. Alors oui, Xavier Bertrand, qui a été élu, qui a gagné contre Marine Le Pen dans le Nord, président de région, il a adopté une attitude qui peut nous réconcilier avec la politique féminine. Richard, donc on rappelle, il a renoncé à son mandat de député. Voilà, il se concentre uniquement sur la région. Il a même renoncé à se présenter à la primaire à droite. Il renonce à ses ambitions pour 2017. Il prend du recul. Il a été le premier à remercier les électeurs de gauche qui ont permis son élection. Est-ce que vous trouvez que c'est le genre d'attitude justement enfin qui peut réconcilier un petit peu les Français avec la politique, ou finalement c'est tout à fait normal ce qu'il fait, faut pas en faire un fromage, c'est un peu ce qu'on appelle du storytelling. Je dirais que c'est normal, mais c'est vrai qu'il va réconcilier effectivement les gens avec avec la politique. C'est sûr qu'on attend d'un homme politique. Vous n'allez pas, on a voté contre le cumul des mandats, le gars tout de suite il arrive, il dit voilà, j'ai voté, j'ai voulu avoir la région, je me consacre à la région, c'est quand même déjà comment dirais-je, une tâche importante. Il peut pas être en plus député non, je trouve que c'est très bien. À gauche, on devrait aussi réagir comme cela. Il y en a qui devraient réagir comme cela, je pense. Un comme Le Drian, par exemple. Exemple. Ben oui. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il doit abandonner ? On décide de courir. Mais vous, dans ce cas-là, il fallait laisser la place à quelqu'un d'autre pour aller à la à la région. Il fallait la gagner, c'était pour la gagner. Donc, il devrait rester à la région. Et laisser la place ou déléguer, donner la place à aux autres. Il va utiliser l'armée pour que la Bretagne envahisse le reste du territoire. Alors, tiens, Firmin Richard, on a l'impression ici que les résultats des régionales en Outre-mer sont quand même passés dans l'angle mort de l'actualité. Oui, quand même. En France, j'ai suivi les élections, même les dépouillements, sur une chaîne dont on n'a même pas parlé ici. Et heureusement que nous avons des... Mais dites-le, on va lui rendre hommage. Canal 10, oui. Ouais. J'ai suivi les dépouillements du début à la fin. Et bien d'autres émissions, je suis comme ça. Mais les chaînes nationales, ils n'en ont rien à foutre que de l'outre-mer. C'est vrai. Rien même la à Corse, foutre. J'ai l'impression que c'est les îles. Mais je suis très en colère contre cela, parce que ce soit dans la presse ou même quelquefois aussi en politique, c'était ça mon problème. C'est pourquoi je me suis retrouvée conseillère de Paris. Parce que nous sommes je ne sais combien d'ultramarins ici. Nous constituons le tissu économique aussi de ce pays. Mais en politique, nous n'étions nulle part, on ne nous voyait pas. On venait nous flatter, passer la brosse à reluire au moment des élections, mais il n'y avait pas de noirs sur les listes. Et c'est pour cela que j'avais interpellé Bertrand Delanoë en 2001 quand il devait se présenter contre Tibéri. J'avais dit, ben oui, mais où sont les noirs qui sont sur vos listes ? Nous n'y étions pas. Et là, c'est pareil au niveau de la presse nationale. Mais regardez ce film-là, déjà, on met 2 ans à la diffuser. Oui, oui. Donc on a un problème ici, la France est très conservatrice et c'est vrai qu'on a beau parler, dire, c'est vraiment beaucoup de contradictions entre la parole et les actes ici en France. Le chemin est encore long, mais une des petites pierres de ce chemin, c'est le téléfilm dans lequel vous jouez. Donc on rappelle le Family Show qu'on peut voir samedi 19 décembre, mais à 15h35 sur France 2, parce qu'il y a des noirs. Messieurs d'Alti, mettez-vous devant votre télé, regardez la télé à 15h30. Mais oui. Non mais c'est vrai, c'est... on a beau, chaque fois que l'occasion se présente, on en parle, mais c'est une réalité. Oui, mais bien sûr, on a bien remarqué que les Antilles, l'outre-mer n'étaient pas couverts par, en tout cas pas assez. Par les résultats. Exactement. Pas du tout même. Pas du tout. N'étions pas du tout. Et les gens, et le CREFOM, effectivement, en a fait la remarque. Mais n'étions pas. Moi, j'ai suivi les élections, je vous dis, sur Canal 10, je suis resté jusqu'à 4h du matin, juste pour voir où elle a fait les élections, mais. Et alors, quels sont les résultats, du coup? Ben, c'est vrai que partie un peu... Vous êtes endormi avant la fin. Vous vous êtes endormi avant la fin. Pas du tout, pas du tout. Qui a gagné? Qui a gagné, Frémine Richard? Alors, la région a été, effectivement, prise par Harry Chalus, qui avait formé une liste composée de gens de droite, un peu de tous bords. C'était pas uniquement des gens de gauche, qui a délogé le président sortant, Victorin Lurel, qui est PC, comment dirais-je, PS, qui avait l'investiture du PS et tout et tout. Très bien. Ben voilà. Écoutez, voilà. On vous engage à aller voir les résultats précis. De l'outre-mer. Vous trouvez que c'était pas précis? C'était précis. J'ai tout compris, moi. Vous avez tout compris, moi. Bien sûr. Bah voilà. Et c'est toujours mieux de croiser les sources, hein, quand même. Samir Bouadi, à 17h32. Oui. Nous sommes tout ouïes. Eh ben oui, mais juste une petite précision. L'outre-mer, enfin, l'équipe de France de foot sans l'outre-mer, c'est pas l'équipe de France. Bref. Je vais commencer par une petite devinette, mes amis. Qui a dit, je vais être très très clair, donc je le cite, je vais être très clair dans le foot, je n'ai jamais de ma vie fait quelque chose que je devrais me reprocher sur le plan de la conscience. Michel. Non. Figurez-vous qu'il s'agit de Sepp Blatter, patron de la FIFA, qui dans une interview à lire aujourd'hui dans Libé fait le point sur les accusations dont il est l'objet et au passage attendu jeudi devant la commission d'éthique de la dite FIFA. Alors, j'entre pas dans les détails parce que Charline aime trop ça, mais il risque d'être radié à vie de l'institution qu'il a dirigée de 98 à octobre dernier. Ça donne envie de chialer, franchement. Alors j'aimerais, si vous voulez bien, revenir un peu sur cette petite phrase. Le mot conscience prend ici une signification qui renvoie non pas au champ sémantique du mot morale, mais plus directement à celui du mot perception. En d'autres termes, l'homme qui parle ici fait un aveu de taille. Il n'a pas conscience d'avoir été coupable sur le plan de la conscience. Le « sur le plan de la conscience » indique aussi qu'il y aurait plusieurs plans de lecture du réel pour ce monsieur. Si on change un truc dans sa phrase, de manière tout à fait objective de ma part, hein, en changeant « conscience » par, entre guillemets, « de ma gestion des fonds de la FIFA », par exemple, ça donnerait « je vais être très clair, dans le football, je n'ai jamais fait quelque chose que je devrais me reprocher sur le plan de ma gestion des fonds de la FIFA ». Voilà, là c'est rigolo, c'est une vraie vanne, c'est moins chiant que sur le plan de la conscience. Plus sérieusement, ben c'est finalement une rhétorique de défense qui s'appuie sur une affirmation plutôt que sur une dénégation. Alors d'un point de vue formel, on voit bien que M. Sepp Blatter n'a rien perdu de sa proverbiable verve, j'ai dit verve, hein, et qu'il joue avec les mots, quitte à faire des jeux de mots, alors que le réel est tapis dans la clarté des faits, mes amis. Les faits, justement, et ils sont graves, puisque la FIFA est un bateau qui coule, un monument à péril, une tour de Pise qui penche à la vitesse du Titanic dans les eaux troubles où croupissent des milliards de dollars a priori plus ou moins bien gérés par celui qui, sur le plan de la conscience, n'a rien à se reprocher. Conscience tranquille, parole agitée. La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée, d'après Talleyrand. Eh oui. Alors Sepp Blatter ira jeudi devant la commission d'éthique de la FIFA et on aimerait être une toute petite souris pour assister à ce qui s'annonce être comme un sommet de dialectique faux cul et d'ironie mielleuse. On me rétorquera, mais que faites-vous de la présomption d'innocence? Et je répondrai, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors Talleyrand se lèvera alors et lancera un tas de fumier en hiver. Fait très bien l'affaire. C'est vrai que ça fait beaucoup de fumée. Oui, mais voilà, après tant et tant de scandales de magouilles, on a fini par douter sérieusement. Et Platini, mes amis, tiens, Charline, Platini. Oh, il est si bien défendu. Lui, a priori, les grands discours, c'est pas trop son truc. Lui, il préfère que ladite commission statue sans lui, histoire de, voilà, de pas avoir à se défendre, parce que pour lui, ben, il est déjà coupable. Michel Platini est la parole. Un joueur de foot, c'est ça? Ben oui. Un joueur de foot n'a de cesse que de chercher ses mots, hein. Il hésite un peu comme moi, là, souvent, se reprend, fait la bourde. Son terrain, c'est la polémique verbeuse. Non, c'est pas ça. C'est surtout l'herbe joueuse. Le corps en mouvement et la phrase brève. Tiens, Marguerite Duras, mes amis, l'a bien compris, peut-être à ses dépens d'ailleurs. Lorsqu'elle a interviewé Platini en 87 dans les colonnes de Libé, justement. Elle voulait rencontrer l'ange bleu, lui poser des questions, essayer de comprendre au-delà des mots ce qu'est un génie du corps dans l'espace. Porté par son lyrisme, à 74 ans, la plume toujours luisante, elle fond sur sa proie. L'animal esquive, répond par des phrases trop courtes. Finalement, elle ne pose pas de questions. Elle aiguille une réflexion. Exemple, je la cite. Le footballeur est dans un terrain totalement exposé. Il est à découvert. S'il ment, ça se voit. S'il a peur, ça se voit. S'il est un petit con, ça se voit. S'il est un petit salaud, ça se voit. Et Platini de répondre à cette non-question, ça se voit facilement pour les gens du football. Ça se voit difficilement pour les autres. On l'aura compris, le foot est un sport d'initié qui finit souvent en délit. Joli. Samir Boisdi, mesdames, messieurs. Donc si Sepp Blatter explose en vol, il va retrouver 72 verves. Oui, c'est ça. Je voulais compléter un petit peu. Vous êtes sur France Inter, on n'est pas... On est pas mal. On est tranquille avec Fermin Richard, hein. Malgré mes jeux de mots pourris, on est bien. On est bien sur France Inter. Écoutez, musique, là. Sweet things go, my confidence goes when you come. I wish I could know how your multi my snow make my heart go wrong. I don't need your love, but the one that the sunshine on winter day. When I wake up in the morning, then the light from the curtain hurts my eyes when I hide and see your face. Singing Georgia, I'll do anything for ya. I know I lost a fortune, but at least I know I'm fully in. I say you got me singing Georgia. I say you got me singing Georgia. I say you got me singing Georgia. I say you got me singing. I say you got me singing. I say you got me singing Georgia. She was my own, chased the rabbits north, but all she wants is carrots. I'm just trying to be even, she don't even, eventually I lose my balance. I don't need your love, but I'ma take it like you are through designer clothes. I don't need your drug, but I'm feeling, hoping I don't overdose. You got me singing Georgia, the fortune, but at least I know I'm fully in. Author, c'est Georgia sur France Inter. Oui, vous êtes à la bonne adresse. Nous sommes avec Fermin Richard et autour de la table, Alex Vizorek. Eh bien, Samir Boisdi, Thomas VDB qui astique son jingle. Et c'est l'heure. Oh mais oui, bah ah oui, oui, bien sûr. Ah oui. Je ne le présente pas, c'est le moment Meurice bah, maintenant. En fait, c'est l'homme intraitable. On l'appelle le Chuck Meurice. Oh là là là, il y a beaucoup trop de jeux de mots aujourd'hui. C'est la fête. Eh bien, écoutez, moi, je me suis rendu hier au grand rendez-vous des professionnels de l'amiante et c'était vraiment chouette. Excusez-moi, c'est la greffe du poumon qui me picote un peu. Alors, l'amiante, hein, c'est un produit révolutionnaire, un isolant très efficace qui ne présente absolument aucun danger. Excusez-moi, je me suis fait retirer les bronches à midi, mais ça va mieux, ça va mieux. Alors, je disais, aucun danger avec l'amiante, sauf si on considère le cancer comme un danger, évidemment. Au moment de son interdiction, Claude Allègre avait même dénoncé, je cite, un phénomène de psychose collective. On peut lui faire confiance à Claude Allègre, hein. C'est aussi lui qui pense que, je cite, l'être humain n'a aucun impact sur le réchauffement climatique, et que, je cite toujours, Samir Boisdi est le plus grand spécialiste de sport de sa génération, à égalité avec Charline Vanhoenacker. Hein, donc on peut lui faire confiance. Bon, n'empêche qu'avec tout l'amiante qu'on a foutu dans les bâtiments, il faut maintenant l'enlever, et j'ai rencontré plein de gens qui travaillent dans ce secteur. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans le domaine de l'amiante? Alors, aujourd'hui, là, ce qui est intéressant, je sais pas trop, c'est... essayer de réaliser un diag dans les meilleures conditions. C'est ça qui vous motive? C'est ça qui me motive, mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais, ça a l'air en tout cas, hein, ça a l'air de passionner notre ami. En même temps, ça m'étonnerait que ce soit un rêve de gosse. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Ah ben moi, je voudrais bosser avec une combinaison à la con, bouffer des particules et crever d'un cancer à 50 ans. C'est rare hein, quand même d'entendre ça à l'école, car les professionnels du désamiantage ne sont pas du tout d'accord avec Claude Allègre. L'amiante, dans l'absolu, c'est dangereux, ouais. En fait, ce qui rend dangereux l'amiante, c'est qu'une seule fibre d'amiante peut créer une maladie. Bon, et vous, ça va? Aujourd'hui, ça va. Il y a un suivi, ce qu'on appelle un suivi renforcé auprès de la médecine du travail, donc ça permet d'être à peu près bien suivi, ouais. Comment ça, à peu près? On est rassuré. Voilà, moi j'étais complètement rassuré pour lui. Enfin, j'étais rassuré jusqu'au moment où il est tombé par terre hein, et qu'il s'est mis à vomir un liquide verdâtre. Donc j'ai enjambé son cadavre et j'ai continué ma visite. J'ai rencontré un autre professionnel. Alors aucun doute, il bossait dans le domaine de l'amiante. Et depuis longtemps, j'ai reconnu ça à sa voix. Ça fait un peu plus de 15 ans et ça fait 8 ans que la société Somas existe. Parce que c'est pas dangereux. Non, pas du tout. Aujourd'hui, en plus, la loi oblige les opérateurs à se protéger. Donc, il n'y a aucun danger à travailler dans ce domaine. Vous avez jamais eu de soucis de santé? Pas du tout. Vous êtes sûr? Malgré votre voix? C'est ma voix. Normal. Ok, normal. Il n'y a pas de problème, le grand schtroumpf. Alors, je me suis écarté juste à temps hein, pour éviter les glaires violettes qui crachaient sur la moquette. Parce que oui, c'est un métier à risque, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'il y a une législation très sévère. En 2012, donc, un décret est sorti, a rendu obligatoire la formation de tous les désamianteurs, a rendu obligatoire le fait de faire des mesures d'empoussièrement dans l'air, le fait de faire des diagnostics avant de faire des travaux. Alors ça veut dire que ça, avant, c'était pas obligatoire? Beaucoup, beaucoup moins d'obligations. C'est flippant un peu, non? Pour ceux qui ont vécu avant 2012, oui. Oui, alors voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des gens autour de la table qui ont vécu avant 2012. J'en vois quelques-uns. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fréquenté des lieux isolés en amiante avant 2012. Hein, je pense à la Maison de la Radio, par exemple. Hein, j'en vois quelques-uns. Donc merci d'envoyer vos couronnes mortuaires au 116 avenue du président Kennedy, Paris 16e. Mais bon, ça pourrait être pire. Il y en a qui bossent en contact avec l'amiante depuis très longtemps. J'ai fait partie des gens qui ont démarré, qui ont essuyé les plâtres, qui ont démarré cette activité. Vous avez essuyé les plâtres dans le domaine du désamiantage. Au début, oui. Ça fait quand même beaucoup de particules, ça, du coup. Ah ouais, bah, le plâtre fibré aussi, ouais. Voilà, alors lui, il a l'espérance de vie d'un dessinateur de Mahomet au Pakistan. Mais il y a aussi des professionnels de l'amiante qui sont suicidaires, hein, qui cherchent vraiment à choper un cancer. La preuve, il y en a un qui avait apporté de la bouffe, et pas n'importe laquelle. Le saucisson qu'on a amené, il vient de chez nous. Voilà. Mais c'est cancérigène, ça. Vous qui travaillez dans l'amiante, c'est pas dangereux? Ça tue qu'au bout de 80 ans. Et si on en mange beaucoup. Et l'amiante, c'est combien? L'amiante, c'est un peu moins, 30-40 ans. Bon, ça va, il pouvait continuer à fumer de l'uranium et à boire du diesel. Concluons avec le gros point positif de l'amiante. Ça fait quand même bosser un paquet d'employés, un paquet de gens qui peuvent donc remercier les pouvoirs publics qui sont passés outre le principe de précaution, car... Ça nous donne du boulot et ça protège l'environnement. Oui, mais heureusement qu'il y en a qui l'ont mis avant. Ben oui, mais vous savez, les Allemands, ils sont en train d'enlever la fibre de verre. Ah oui ? Ici, on est en train de changer l'amiante pour la fibre de verre. Ah oui, donc il y a des perspectives d'avenir réjouissantes. En tout cas, dans cette niche-là, on n'a pas senti la crise. Tu m'étonnes, il était tout content, notre ami. Et ils ne sont pas prêts de sentir la crise avec les nouveaux isolants et les nouveaux revêtements mis sur le marché. On reste dans la même logique, on fait du pognon en empoisonnant les gens, puis ils doivent aller chez le médecin, ça fait encore du pognon. Puis on dépollue les sites, ça fait toujours du pognon. Tant que la mesure ultime de notre qualité de vie sera le PIB, on n'a pas fini de s'en prendre plein les bronches dans ce vieux système d'économie libérale, comme nous, à bout de souffle. Merci. Guillaume Meurice, qui a pris tous les risques, donc. Vous êtes sur France Adieu. Inter, si tu écoutes, j'annule tout. On est ensemble jusqu'à 18h avec Firmin Richard. Dans quelques instants, nous aurons la chronique de Thomas VDB. Thomas. Très attendu. Absolument. Hein, préparez... Je fignole. Vous chauffez la voix. Je chauffe la voix. J'imagine. Allez, le deuxième sujet avec vous, Firmin Richard. C'est la dernière idée brillante de Robert Ménard, été validée au conseil municipal de Béziers. C'est la fameuse garde bitéroise, composée de retraités de la police, de l'armée, des pompiers, voire une milice peut-être de nostalgiques de l'Algérie française, qui sait. C'est une milice. Allez, une petite chanson de la Wehrmacht pour illustrer ce Inter, sujet. Ben oui, c'était une petite chanson à boire, bien sûr. Mais c'est toujours français. N'avez pas reconnu la version allemande de l'apérobic? C'est ça qu'ils disent, je pense, à mon avis. Robert Ménard, eh bien, Firmin Richard, Robert Ménard, il résout à la fois les problèmes de sécurité grâce à cette garde républicaine et à la fois l'inactivité des seniors. Il est bourré de solutions. Il a pris les anciens. Les retraités, les militaires, les gendarmes retraités, c'est ça? Oui, pour exactement. Faire sa milice. Pour faire une milice. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de lui? On a envie de communier avec vous dans le... Comment dire? Dites-nous du bien de Robert Ménard. Non, c'est de la connerie. Ouais. Je dirais ce qu'il fait. Non, mais c'est-à-dire qu'en 2015, on peut faire voter ça. Non, mais ceci dit, je ne comprends pas la réaction des Bitérois. Ils n'ont pas réagi. On n'a pas entendu une réaction, effectivement. Bah, à la base, ils ont voté pour lui, ils ont déjà. Voté pour lui, donc. Voilà, donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est que les gens sont contents. Mmh. Alors, ils sont contents de l'avoir. Alors, c'est Dupont, la joie, ils sont très contents. Ils sont, c'est ça. C'est Dupont, ils sont contents de leur mère. Ils sont contents on salue nos auditeurs à Béziers, qui n'ont sans doute pas choisi. Vous ne faites pas choper parce que c'est interdit d'écouter France Inter à Béziers. Faites attention, la ministre va vous tomber dessus si vous êtes sur notre fréquence. Mais allez, on les salue, on vous souhaite bien du courage. Il paraît qu'ils ne sont pas armés, alors. Oui, alors c'est déjà ça. Et puis, il s'agira de déambulation sur la voie publique pour des types qui marchent peut-être en déambulateur. C'est assez logique. Ah bah c'est pas toute une manière de faire des emplois. C'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Il a trouvé. Ouais. Alors c'est bénévole, je pense. Il y a déjà bénévole, environ 80 bénévoles apparemment ont déjà sonné. Voilà. Mais ils vont faire quoi concrètement? Alors, ils seront notamment chargés d'alerter les autorités publiques en cas de comportement délictueux. Ouais, mais c'est de la délation. Il y aura des gardes statiques un peu. Bah, si c'est des retraités, comme ça, ils ne devront pas trop bouger. S'ils sont en chaise roulante, éventuellement, ils sont... Mais il y a des solutions, je crois. C'est intéressant. Je vous dirais que c'est déjà le cas. Les vieux sur les bancs, quand ils voient quelque chose, ils sont inquiets, ils appellent. Mais là, ils auront un brassard. Ils ont juste un costume. C'est ça. Écoutez, on va surveiller ça. Je pense qu'on va regarder ça de près pour se bien se foutre de leur gueule. J'ai hâte d'aller à Béziers. Ah oui. Tiens, si on décompressait un petit peu de toutes ces histoires, avec Thomas VDB, Fermine Richard, est-ce que vous connaissez Thomas VDB? Non. Si vous ne le connaissez pas, voilà, je peux vous dire, vous allez le découvrir. Ok. Attention. Il y a très très longtemps, dans une galaxie très très lointaine, il y avait de l'actualisique, c'est un mélange d'actualité de musique. Deux héros de la saga discutent dans un bar, c'est une sorte de PMU, écoutons-les plutôt. Oh. Tu l'as dit, R2. On vient de passer à deux doigts de la cata. Mais heureusement, une fois de plus, nous avons remporté la galaxie des élections régionales. Tout le monde est partout, que ce soit sur Tatooine, sur Dagobah, et même à Hénin-Beaumont, a voté au dernier moment pour se révolter contre l'Empire. Oui, bien sûr, toi aussi t'as voté, j'ai eu peur. J'ai cru que t'avais pas voté. Hein, faut pas oublier, R2, c'est qu'il y a plein d'Ewoks qui sont morts pour qu'on ait le droit de vote. Hein. Oui, c'est vrai, c'était il y a longtemps, ils seraient morts aujourd'hui de toute façon. Mais bon, c'est vrai que si tu votes pas, ça fait le jeu de Dark Vador. Hein. Mais non, c'est pas un discours de bien-pensant de gauche. Bon, c'est vrai qu'il y a pas grand monde en face, c'est vrai. Hein, regarde, moi, par exemple, en 95 et en 2002, j'ai voté Yoda, mais j'ai été déçu. Là, en 2007, j'ai voté Chewbacca, j'ai été déçu aussi. Mais là, j'aurais préféré voter franchement n'importe qui plutôt que Dark Vador. Donc j'ai revoté Chewbacca. Ne me dis pas que t'as voté Dark Vador. Attends, t'as voté Dark Vador? Non mais tu déconnes, R2 là. Oh, attends, l'étoile noire, c'est la couleur de l'étoile. C'est pas la couleur des gens qui habitent dessus. Hein, puis quand bien même, on s'en fout de toute façon. Comme tu dis, R2, espérons qu'une réelle solution alternative se présente d'ici les prochaines élections, afin de contrer les partis trop à droite. Non, là tu te trompes. Non. Chewbacca, c'est celui qui garde le faucon Millennium. Marion Maréchal Le Pen, c'est celle qui voulait remporter la région Provence-Alpes, Côte d'Azur en France. Non, mais non, tu confonds Chewbacca avec Chewbacca. Ah. Non, mais attends, tu pourrais essayer d'articuler la jambe. Non, articule, R2, je te dis, je comprends rien. Non, mais attends, R2, t'es gentil. Et tu sais, on comprend rien à ce que tu dis. Hein. On comprend. Tu sais qu'on est en 2015. On comprend rien à ce que tu dis. Même mon téléphone, avec Siri, il arrive à faire des vraies phrases. Toi, on ne comprend que dalle. Y a personne qui t'a changé ton programme. Non, mais je suis sûr que t'es même pas capable de dire les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches. Vas-y, essaye. Non, mais vas-y, essaye, je te regarde. Il n'y arrive pas, on dirait Jacques Viret dans la soupe aux choux. Ah, c'est la dorée, bravo la dorée. Voilà, en tout cas, il y a un truc qu'on se demandait l'autre jour avec Obi-Wan. Ton prénom, c'est R2 ou c'est R2D2? Ah, c'est R2D2, donc c'est un prénom composé en fait, c'est comme Jean-Baptiste ou Pierre-Édouard. Voilà, parce que je ne savais pas si D2 c'était ton nom de famille. Ok, bon, non, écoute, je croyais. Écoute, ben, elle était vraiment intéressante, cette petite conversation qu'on a eue tous les deux. Bon, écoute, c'est pas le tout, mais là, on est filmé en ce moment, donc il faudrait peut-être qu'il se passe des choses. Sinon, quoi, les prochains épisodes de la saga vont être encore plus chiants à regarder que les derniers. Il est temps donc que nous repartions vers de nouvelles aventures. C'était l'actualisique. C'était un petit peu confus. On savait pas si je parlais de Star Wars ou du Front National. C'était un peu des deux. C'était une allégorie. Waouh! Dans ces cas-là, on prend des notes, Firmin Richard. Firmin Richard, à partir de ce moment, vous n'oublierez plus jamais le nom de Thomas VDB. Il sera gravé dans votre mémoire. Toutes mes excuses auprès des auditeurs. Je peux vous dire que derrière vous, il y a un stagiaire de 3e qui n'a pas compris ce que vous voulez. Il est resté figé. Mais même dans les facs, il y a des gens qui n'ont pas compris. Merci Thomas. Et le 3e sujet, oh, on respire parce que là, pour enrayer la chute de l'activité touristique, les entreprises ont trouvé un moyen pas cher de redorer le blason de la capitale à Paris. C'est de compter sur les internautes. Chaque Parisien est invité à déclarer son amour de la capitale sur les réseaux sociaux. Mais récemment, un réalisateur avait largement fait le boulot. Et voilà nos touristes. J'espère ne plus jamais sur un charmant boulevard ou dans un bistrot. Quelle ville à visiter peut-être. Oh, moi je me vois très bien vivre ici. J'ai l'impression que les Parisiens me comprennent. Je me vois très bien me balader le long de la rive gauche avec une petite baguette sous le bras et m'installer au café de Flore pour gribouiller avec bonheur mon livre. Comme a dit Hemingway, Paris en goguette. Tu parles d'une goguette avec cette circulation. J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Minuit à Paris de Woody Allen et Thomas Dutronc. Alors c'est dans le Parisien aujourd'hui en France, alors les pages Paris, hein, où on apprend qu'il y a une opération de solidarité. Retenez bien le mot solidarité pour ce que je vous raconte la suite. Ouais. Lancé par 20 entreprises. Déjà, solidarité, entreprise. Bon. Et comme Pierre et Vacances, le Club Med ou le groupe Barrière. Solidarité. Oui, c'est des philanthropes. Voilà. Pour que ça ne coûte rien, c'est une autre manière de faire de la promo, c'est de demander aux gens sur les réseaux sociaux de déclarer leur amour de Paris. Firmin Richard, vous qui avez été conseillère de Paris, qui êtes conseillère d'arrondissement, l'image de la capitale, est-ce que ça reste toujours une forme d'obsession et de, d'inquiétude quotidienne dans le boulot, ou pas tellement ? Pas pour moi, en tout cas. Pas pour je veux vous. Dire, oui, j'aime Paris. Jusque il n'y a pas très longtemps, pour moi, je ne me voyais pas vivre ailleurs qu'à Paris. Mm-hmm. Et finalement, je commence à changer d'avis. Ah, c'est vrai? Ouais, je voulais descendre maintenant dans le sud. Je voulais vivre dans le sud parce que la luminosité du sud me manque. Parce que pour mes vieux os, maintenant, je commence à vieillir. J'ai besoin de cette lumière-là, donc j'ai envie de descendre dans le sud. Mais c'est vrai que Paris, c'est quand même... Une très belle ville, tu vois. À Béziers. Alors, à Paris, effectivement. Ce sera dans les Hauts, certes, peut-être, entre Sète et Montpellier. Voilà, je me situe là. Parce que j'y suis allée il n'y a pas longtemps, visiter des amis, et c'est vrai que j'ai adoré de me retrouver mais même vous êtes en train hiver, de saboter. Là. Mais non, attendez, vous êtes en train de saboter l'opération de solidarité. La barrière qui va pas être contente. Ça va pas. Parce qu'on peut s'inscrire sur le site www.pariswelloveyou.fr. Oui. Écoutez bien, votre photo de profil s'affiche et s'ajoute alors à une mosaïque de visages de participants. Une mosaïque qui sera ensuite imprimée sur une sculpture géante posée dans Paris. Et là, on a la solution. La beauté. Moi, je veux bien le faire, ça. Mais oui, c'est facile. Alors, le problème sous-jacent, c'est bien sûr le commerce et l'hôtellerie qui sont particulièrement touchés. Et les salles de spectacle. Oui, et les salles de spectacle. Alors, étonnamment, aux Galeries Lafayette, on observe que le problème, c'est surtout la clientèle française, que la fréquentation des étrangers est plutôt stable, mais il manque 20% de Français. Donc, pour pallier à ça, les réseaux sociaux sont appelés à la rescousse où chaque Parisien doit déclarer son amour dans la capitale. Elle a bon dos, la solidarité, ou bien c'est une forme de marketing qui ne coûte rien Est-ce qu'on se fait enfler, Germaine Richard, votre avis. Est-ce qu'on se fait enfler? Est-ce qu'on se fait enfler? Est-ce que oui, est-ce qu'on se fait enfler? Il y a rien de mal. Non, il y a rien de mal à ça. Non, c'est-à-dire que je sais que les théâtres vont faire une opération où ils vont changer toutes leurs affiches en sortez et tout le monde se solidarise pour oui, ça. Oui, ça, on peut le faire, oui. Il s'appelle se faire enfler ? Oui, ça s'appelle se faire enfler. Je vous expliquerai en antenne. Là, par exemple, une manière de se faire enfler dans cette émission. Ah, ça, on se fait toujours enfler à cette émission. Mais gentiment, c'est le sketch. C'est, voilà. On tout vous propose, Firmin Richard, de participer à un sketch avec nous. Donc, le texte, il arrive. Vous allez jouer une gardienne de prison. Ah oui ? Parce que vous allez être celle qui garde la cellule où Thomas Fabius était. Et il avait évidemment un partenaire de cellule. Tom avait aimé ce partenaire de cellule. Thomas Fabius, c'est Guillaume Meurice. Et celle qui tient la matraque et les clés, c'est Firmin Richard. Oui. Tiens, salut un pauvre. Non mais ouais, qu'est-ce que vous foutez dans ma cellule ? Ah, c'est chez vous ça, ce 13 mètres carrés là ? Ouais, pourquoi ? C'est pas assez grand ? Bah, comme le local à poubelle quoi, ça va. Et le service est bon ? Oh, oh, oh, on se calme les comiques. Attends, c'est qui celle-là ? C'est la majordome ? Ah non, pire, c'est la matone. Hein ? Je suis la gardienne et vous êtes priée de la fermer. Ah super, la concierge. J'ai dit ferme-la, Blanbec. La concierge qui vient de faire une croix sur ses étrennes, là. Et copain, t'as fait quoi pour être là, toi ? Mais rien, en plus. Faux, blanchiment d'argent et escroquerie. Enfin, voilà, quoi. Wow. Ouais, et toi ? Ben, moi, j'ai volé une orange. Hein. Le nul ! Nul. J'ai dit silence ! Je l'ai volé dans un casino. Hein. Ah, t'aimes les casinos, toi ? Ouais, parfois, ils font des prix verts. Hein. Ah ouais, les tapis verts, ouais. Je crois que j'ai perdu le PIB du Botswana sur les tapis verts, moi, ouais. Vous êtes vraiment un petit rigolo. Dis donc, la concierge, là, envoyez-moi plutôt le maître d'hôtel. Je vois qu'il arrive avec un gros bottin pour... Quoi ? Je vois qu'il arrive avec un gros bottin pour vous interroger, oui. M'interroger sur le bottin ? Je connais pas tous les numéros, moi. C'est pas mon problème. Bon, ça vous dirait de visiter le Quai d'Orsay ? Pardon ? Bon, vous gagnez bien votre vie, vous ? C'est-à-dire que je ne fais pas de chèques sans provision, moi. Elle est pas commode, la matone. Quand je pense à tous mes séjours au soleil, là, je me sens seul. Ben, ça tombe bien. Là, vous êtes à l'ombre et vous avez de la compagnie. Ouais, le Maroc, la Guadeloupe, tout ça, quoi. Ouais. La Guadeloupe ? Vous avez dit la Guadeloupe ? Oui. Pourquoi ? Ça vous excite ? Écoutez, si je vous libère, vous m'y emmenez avec vous ? All in. Ça veut dire quoi ? Mais ça, c'est comme au poker, ça veut dire qu'ils misent tout sur vous. Et vous savez quoi ? Moi, je ne miserai pas du tout sur lui. Firmin Richard, le rôle d'une matone, c'était pas encore arrivé ça. Si. Ah, je le sentais. Je l'ai fait. Dans quel film ? Dans le film d'Alain Tasma avec Marthe Keller qui s'appelait. Ah. Oh là là, ça a changé de. Alors, je l'ai dans mon dossier, je vais essayer de vous le retrouver. Marthe Keller. On peut le retrouver. Ouais, on va le retrouver. Je faisais une matone très perverse. Oh là là, avec Sarah Martin, c'est Marthe Keller. Firmin Richard, dites-moi, oui. Vous serez bientôt aussi à l'affiche du prochain film d'Alexandre Leclerc, oui. Qui s'appelle Le Grand Partage, oui. Et qui sera en salle le 23 décembre, donc c'est tout bientôt, avec Karine Viard, Didier Bourdon et Valérie Bonneton. Est-ce que, comme il nous reste un peu de temps, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce film qui sort bientôt ? Ben écoutez, comme nous sommes sous l'air, c'est la gauche au pouvoir, mais voilà, la gauche a pondu un décret, ceux qui ont une grande surface, ouais. Devrait partager cette qui habite une grande surface devrait partager leur appartement avec ceux qui n'en ont pas. Ah, et donc c'est la réaction des gens justement qui se disent très solidaires avec les sans-abri et autres et leur réaction devant ce décret qui est sorti au village officiel et où vraiment tout le monde, il y a des enquêtes, tout le monde doit loger. Alors comment ils vont faire ? Par exemple, mes patrons, alors il se trouve que je travaille chez le couple que forment Karine Viard et Didier Bourdon. Et donc, comme je suis leur femme de ménage et j'habite la banlieue, ils me proposent de venir habiter chez eux. Ou de récupérer effectivement la grand-mère, et puis voilà, etc. etc. Et voilà, donc c'est le grand partage, et ce sera en salle le 23 décembre. Et puis en attendant, on peut voir le Family Show, téléfilm qui sera diffusé sur France 2 le samedi 19 décembre à 15h35. Et si vous le ratez, bah vous le récupérerez. 15h35, vous le note. Mettez-vous devant votre télé à 15h35, messieurs et dames. Merci beaucoup, Firmin Richard, d'être resté avec nous. Merci Samir Bouadi, Thomas VDB. Merci Guillaume et Alex. On se retrouve bien sûr demain. Et le mot de la fin, on le laisse à un membre de la garde bitéroise, la milice de Robert Ménard. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule.